De la psychologie de saint Augustin. Conclusion 2. L'observation intérieure qu'on a tant préconisée de nos jours, et qui est devenue la méthode hautement avouée de la psychologie contemporaine, offre certainement des avantages sérieux et qu'il y aurait de l'injustice à nier. C'est la seule méthode qui nous fasse connaître les phénomènes de l'âme directement et en eux-mêmes, les autres ne nous les révèlent qu'indirectement et dans leurs signes. C'est assez dire que la première, à la considérer seulement comme un moyen de saisir des faits particuliers, évidents et certains, se suffit à elle-même, tandis que les secondes ont besoin d'elle, car l'intelligence d'un signe suppose la connaissance de la chose signifiée. Cette méthode est également d'un grand secours, pour nous faire deviner ce qui se passe dans les autres, d'après ce qui se passe en nous. Une émotion vive que nous éprouvons, une passion violente qui s'empare de nous, nous en apprennent plus sur les passions et les émotions de l'espèce que les plus belles descriptions des moralistes, et éclairent, à nos yeux, ces descriptions elles-mêmes d'un jour tout nouveau. Le meilleur commentaire des peintures du cœur, c'est le cœur. Aussi, quand on relit, au bout de quelques années, Montaigne ou La Bruyère, on est étonné des découvertes qu'on y fait. Telle phrase sur laquelle le regard avait glissé 10 fois, sans s'y arrêter, se détache tout à coup à nos yeux, au milieu d'une page, comme l'expression d'une pensée admirable de justesse ou de profondeur. C'est que, dans l'intervalle de nos lectures, nous avons vécu. Jeunes, nous comprenions déjà vaguement la plupart des sentiments décrits par le moraliste, parce que nous les avions en nous en puissance, et que la puissance, comme Leibniz le remarque, ne va jamais sans quelques effets. Plus âgés, nous avons connu ces sentiments actualisés dans notre cœur, et nous pouvons juger, non pas par un pressentiment sourd, mais par une expérience positive, de l'exactitude des peintures que l'on nous entrace. Pour faire ces peintures, il est encore plus nécessaire d'avoir connu en soi les sentiments dépeints que pour en juger. Un écrivain éminent, qui a laissé échapper plus d'une boutade contre l'observation intérieure appliquée à la connaissance de l'homme, rend involontairement hommage à la méthode qu'il dédaigne, quand il dit que, pour écrire l'histoire des religions, il faut avoir été religieux. Conféré Ernest Renan, Études d'histoire religieuse, préface. Qu'est-ce à dire, sinon que les faits religieux n'ont pas de sens pour qui n'en considère que le côté extérieur et matériel, et n'en a point saisi en lui-même le côté spirituel et intime? Cependant l'observation interne, réduite à elle seule, ne suffit pas, suivant moi, pour constituer et achever la science de l'homme. Elle ne peut produire des résultats positifs, étendus, décisifs, qu'à la condition d'avoir pour auxiliaire l'observation sociale et l'observation physiologique. L'observation intérieure porte sur un seul sujet, qui est moi. Or, malgré les ressemblances qu'il y a entre moi et les autres hommes, il y a aussi entre nous des différences. Par conséquent, je suis exposé, en m'observant sans les observer et sans me comparer, à généraliser des déterminations qui me sont propres, et à étendre à l'espèce des dispositions qui n'appartiennent qu'à un individu. Si je suis poltron, je me représenterai les hommes comme incapables d'envisager la mort en face et comme prêts à fuir à la moindre apparence de péril. Si je suis avare, je les peindrai attachés à leur or, au point de lui sacrifier leurs parents, leurs amis, leur santé et leur vie. Si je suis intempérant, je croirai que leur plus belle résolution de sobriété s'évanouisse à la vue d'une table somptueusement servie. Il n'y a que le spectacle de la société qui puisse m'apprendre à ne pas faire du penchant dominant de ma nature individuelle le penchant dominant de la nature humaine. En même temps que l'observation interne exclusivement consultée, si cette consultation exclusive était possible, nous ferait exagérer certains sentiments, il en est d'autres qu'elle nous porterait à méconnaître ou à amoindrir. Un homme d'un esprit cultivé, mais dont l'âme n'aura jamais été remuée par le sentiment religieux, aura bien de la peine à lui faire une place, et une place considérable, dans ses théories psychologiques comme dans ses spéculations sociales. S'il ne le regarde pas comme une chimère, il le regardera comme une faiblesse, qui n'existe que par la fourberie des uns et la duperie des autres. Les enseignements de l'histoire et la vue des grandes commotions politiques peuvent seuls lui en révéler la vitalité et la grandeur. Un observateur d'un caractère tranquille et débonnaire comprendra-t-il la passion de la vengeance, avec ses emportements fougueux, ses fureurs impitoyables, ses jouissances homicides? Se fera-t-il une idée juste et complète de la jalousie avec ses frémissements concentrés, ses brusques éclats et ses soudains revirements? Pourra-t-il deviner les rêves de grandeur qui tourbillonnent dans une tête ambitieuse, les noirs projets qu'elle conçoit, les actes sanglants qu'elle résout? Roxane, Hermione, Lady Macbeth représente des parties de l'âme humaine qu'il ne soupçonne pas, car elle n'existe en lui qu'à l'état d'enveloppement. Il faut que l'étude des livres et du monde lui apprenne ce que l'étude de son propre cœur ne lui apprendrait jamais. Il en est des opérations de l'intelligence comme des modifications de la sensibilité. Pour que le psychologue les voie clairement au-dedans de lui, il faut qu'elle y soit visible, c'est-à-dire qu'elles y aient acquis un certain degré de développement. Pour qu'il ne les diminue pas dans les autres, il faut qu'il les sente se produire en lui avec une certaine puissance. Comment se rendra-t-il compte de la nature du raisonnement inductif et du raisonnement déductif? Comment calculera-t-il leurs ressources et mesurera-t-il leur portée? S'il ne les a jamais pratiqués d'une manière suivie et rigoureuse, et s'il est étranger aux sciences physiques et mathématiques qui en sont les applications les plus hautes et les plus fécondes? Évidemment, s'il veut les analyser avec quelque exactitude, il devra les étudier dans les ouvrages des esprits éminents qui en ont fait un usage remarquable. Comment saura-t-il ce que c'est que l'imagination, et devinera-t-il les merveilles qu'elle peut produire, s'il ne possède cette faculté qu'à un humble degré, s'il n'a jamais été initié à la connaissance des grandes œuvres de la littérature et de l'art? En décrira-t-il bien les écarts, s'il ne connaît que son imagination à lui, qui est aussi réglée, aussi disciplinée que possible? Et s'il n'a jamais lu l'histoire du merveilleux, ni entendu parler de l'influence qu'il exerce sur l'esprit des hommes, plus il sera positif et raisonnable, moins il comprendra, j'ose le dire, cette faculté capricieuse et fantasque en ne l'étudiant qu'en lui-même. D'où vient que le villageois est enclin à trouver les étrangers bizarres et extraordinaires dans leurs idées et dans leurs mœurs? De ce qu'ayant peu lu et peu voyagé, il se représente l'esprit de l'homme à peu près comme le sien propre, et puis soit en lui, soit autour de lui, c'est-à-dire dans l'observation intérieure et dans une observation sociale fort restreinte, l'idée qu'il a de l'humanité. N'est-ce pas faute d'une instruction historique suffisante que le français a si longtemps méconnu les variétés de notre nature, et qu'il a fait du type de sa nation le type de l'espèce, de là les religions mises dans la catégorie des fraudes pieuses, La poésie spontanée des premiers âges regardée comme une œuvre artificielle, l'héroïsme de ces époques reculées traité de dureté et de barbarie, et un froid vernis de politesse banale étendu uniformément sur le fond de l'histoire. L'observation intérieure m'apprend la réalité de certains sentiments, mais que me dit-elle de leur origine et de leur universalité ? Rien. Je veux savoir si le patriotisme, si le sentiment de l'honneur, si celui de la pudeur sont primitifs ou acquis, universels ou particuliers. Qu'est-ce que l'observation intérieure et individuelle pourra me répondre là-dessus ? Pour résoudre ces questions, c'est évidemment au livre de voyage et d'histoire que je devrais avoir recours. Là seulement je pourrais apprendre si telle nation de l'Asie, par exemple, est aussi dépourvue de patriotisme qu'on le prétend, si ce point d'honneur qui fait que deux Européens s'égorgent pour un soufflet, pour un mot, est inconnu aux autres nations, si les femmes de Tahiti ou de toute autre contrée sont complètement étrangères au sentiment le plus délicat de leur sexe. En supposant que ces diversités soient réelles, j'aurai à rechercher quelles en sont les causes, quelle part il faut faire dans tout cela à l'influence de la race, du climat, des circonstances, de la culture morale et intellectuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de m'en tenir à la connaissance du moi par le moi, je devrais acquérir des connaissances étendues sur l'humanité en général. Adam Smith a prétendu que l'intensité des passions sociales est en raison directe du nombre des personnes qui les éprouvent ensemble. Un réformateur célèbre a dit dans un langage assez insolite et assez bizarre, que, dans une société, les séries sont unies par la papillonne, rivalisées par la cabaliste, surexcitées par la composite. D'autres ont cherché à établir un rapport fixe entre certains vices et certaines latitudes. D'autres enfin ont soutenu que les lumières et la moralité sont de leur nature intimement unies, et que la criminalité diminue dans une agglomération d'hommes à mesure que l'instruction y augmente. Touchant ces lois vraies ou fausses, mais à coup sûr fort importantes de la nature humaine, l'observation intérieure est tout à fait muette. Au contraire, l'observation extérieure et la statistique répondent, et sur quelques points avec une précision telle qu'il est permis d'espérer que l'on arrivera un jour, dans les sciences morales, à une exactitude voisine de celle que l'on obtient dans les sciences physiques. L'observation interne devrait donc, suivant nous, avoir pour complément l'observation sociale, c'est-à-dire les travaux des historiens et des voyageurs, des économistes et des géographes, ajoutons-y ceux des orateurs, des poètes, et jusqu'aux remarques que chacun de nous peut recueillir sur les mille petits faits qui se produisent dans le cercle où il vit. Quelle manière plus intéressante à la fois et plus féconde d'étudier la nature humaine, de saisir le jeu si varié de nos opérations sensitives, que de l'étudier dans Molière et dans Racine, dans Bossuet et dans Massillon, c'est-à-dire dans les chefs-d'œuvre littéraires qui en sont le tableau animé, la reproduction vivante. Quelle meilleure école de psychologie qu'un salon, qu'une assemblée politique, qu'une réunion enfin où les hommes ont des raisons d'amour propre ou d'intérêt de se pénétrer les uns les autres et en quelque sorte de se percer à jour. L'observation est alors d'autant plus fructueuse qu'elle est plus active, et d'autant plus active qu'elle est sollicitée par des mobiles plus énergiques et qu'elle est plus conforme à notre nature. Car notre nature nous pousse à nous répandre au dehors bien plus qu'à nous replier au-dedans de nous. Aussi c'est dans les cours, dans les salons, parmi les femmes et les gens du monde, que se sont formés de tout temps les psychologues les plus illustres. Socrate, qui fut le premier psychologue de la Grèce, en était le plus grand causeur. Montaigne pratiquait volontiers cet art de conférer dont il nous a laissé la théorie. La Rochefoucauld et la Bruyère vivaient dans les meilleures sociétés de leur temps, et il est probable que plus d'une précieuse observation échappée à des lèvres féminines a été incrustée par ces artistes éminents dans leur pur de leur style. Mais de tous les moyens de perfectionner et d'agrandir la psychologie, le plus fécond, le plus puissant, celui que nous avons voulu pour cette raison signaler en dernier lieu, c'est l'étude de la physiologie. La psychologie sans la physiologie, nous ne craignons pas de le dire, est une science mutilée. Est-il un seul phénomène de l'âme qui soit complètement indépendant du corps, qui n'en reçoive ou n'y produise aucune action? La sensation, la perception, l'imagination, le sentiment sont modifiés par l'état des organes et le modifient à leur tour. Il n'est pas jusqu'aux idées les plus abstraites, les plus suprasensibles dont l'élaboration ne varie avec la manière dont s'opère la vulgaire fonction de la digestion. Pourquoi donc le philosophe, qui fait profession de chercher en tout la raison des choses, s'arrête-t-il, dans l'étude des phénomènes psychologiques, juste au point où ils commencent et à celui où ils aboutissent? Et laisse-t-il en dehors de ses investigations précisément ce monde des causes qu'il revendique comme son domaine spécial? La physiologie nous fait connaître, non seulement la liaison des phénomènes physiologiques et des phénomènes moraux, mais encore celle des phénomènes moraux entre eux. Tel tempérament étant donné, ce n'est pas seulement telle qualité morale, mais tel groupe de qualités morales qui s'ensuit, si bien que le psychologue versé dans la physiologie pourrait conclure du tempérament d'un homme à l'ensemble de sa nature interne et de sa vie morale, à peu près comme le naturaliste conclut de la dent d'un animal à ses intestins, à son régime et à ses mœurs. Y a-t-il beaucoup d'observations purement intérieures qui permettent d'établir entre les qualités de l'âme une telle corrélation, et d'en déterminer aussi catégoriquement la loi? Les états psychologiques anormaux et normaux, l'ivresse et le somnambulisme, l'hallucination et la folie, la raison et la vertu même, tiennent au corps par quelques côtés. Le psychologue qui néglige l'étude du corps, se prive, par conséquent, d'une source précieuse de lumière. Il se condamne à ne pouvoir ni expliquer ni modifier des phénomènes qui sont plus spécialement de sa compétence, et à rester inférieur sur ce point à des hommes qui ne s'en occupent que d'une manière accessoire. Ne semble-t-il pas que, si la science de notre nature raisonnable était ce qu'elle devrait être, ceux qui la cultivent connaîtraient mieux que personne tout ce qu'on peut savoir sur les perturbations de la raison, et que les directeurs des maisons d'aliénés seraient pris moins souvent parmi les physiologistes que parmi les psychologues? Un penseur peu suspect. Puisqu'on l'a accusé plus d'une fois d'avoir outré le spiritualisme et d'avoir séparé trop profondément le monde de l'étendue et celui de la pensée, Descartes paraît assez favorable à notre opinion. L'esprit, dit-il, dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'il faut le chercher. Discours de la méthode, 6e partie. Puisque la dépendance de l'esprit à l'égard du corps est si étroite, pourquoi observer le premier sans le second? Puisque les grandes fonctions de sagesse et de raison, qui font l'honneur de notre nature, sont liées si intimement aux fonctions des organes, pourquoi étudier les unes en faisant abstraction des autres? L'union de la psychologie avec la physiologie et les autres sciences ne profiterait pas seulement, suivant nous, à la psychologie expérimentale, mais encore à la psychologie rationnelle. Si les faits dont s'occupe la première tiennent par mille fils déliés aux faits extérieurs, les questions que la seconde se pose sont dans la plus étroite connexité avec celles que se posent les sciences physiques et médicales. Toute lumière jetée sur l'origine, la nature, l'avenir de la matière et de la vie, si toutefois on peut jeter sur de tels sujets quelques lumières, se reflète nécessairement sur l'origine, la nature et l'avenir de l'âme. Qui oserait dire qu'il est indifférent de connaître le principe qui végète dans la plante et celui qui végète et sent dans l'animal, pour connaître celui qui végète, sent et pense dans l'homme, ces principes diffèrent-ils en nature ou seulement en degré? Le premier peut-il se transformer dans le second dans le troisième? Sont-ils susceptibles les uns et les autres d'un perfectionnement indéfini, ou bien ont-ils chacun une sphère d'où ils ne peuvent sortir, des bornes qu'ils ne sauraient dépasser? Ce sont là des questions philosophiques, car Augustin, Descartes, Leibniz et bien d'autres se les sont posées, mais ce sont aussi des questions physiologiques, car les naturalistes les ont agités avec éclat sous les noms de questions de la génération spontanée et de la fixité des espèces. Si la psychologie veut faire des progrès sérieux, elle doit donc, ce me semble, tout en conservant son existence distincte, sortir de son isolement, s'unir aux autres sciences et les pénétrer toutes, il faut que l'homme du monde, le littérateur, le médecin, le naturaliste y trouve coordonnée, systématisée, élevée à la dignité d'une vaste synthèse toutes les observations que chacun d'eux a pu recueillir, dans sa propre sphère, sur la nature morale de l'homme. Par là elle intéressera toute la société, se mêlera au mouvement général des esprits, et entrera, pour n'en plus sortir, dans le grand courant de la pensée moderne, empruntant à tous ceux qui s'occupent de l'homme des faits, et leur rendant des lois, recevant d'eux des théories ébauchées et partielles, et leur renvoyant des théories plus larges et plus achevées. Du reste, ce que nous demandons, ce n'est pas tant une réforme de la méthode psychologique qu'un retour, mais un retour réfléchi, voulu, systématique, à ce qui s'est pratiqué instinctivement, spontanément et sans plan bien suivi à d'autres époques. Aristote n'avait-il pas fait de la psychologie le couronnement de l'histoire naturelle, et n'éclairait-il pas constamment la science de l'homme par celle des autres espèces animales? C'était bien la unir à l'observation interne, l'observation physiologique. Saint Augustin lui-même n'a-t-il pas fécondé l'étude des phénomènes qu'il constatait au-dedans de lui, par celle des phénomènes qu'il remarquait au-dehors et dont il recherchait si curieusement les causes? N'y a-t-il pas ajouté, autant que le permettait l'état des connaissances humaines dans le siècle où il vivait, une foule d'observations et de vues empruntées à la science de la nature en général et à celle du corps humain en particulier? Qu'est-ce que ces considérations sur l'âme cosmique, sur les âmes sidérales et sur les âmes végétatives, qu'est-ce que ces hypothèses sur les esprits animaux envisagés comme des intermédiaires entre l'âme et les parties grossières du corps? Qu'est-ce que ces aperçus touchant les ventricules du cerveau, dont il fait les organes de la sensation, de la mémoire et du mouvement? Qu'est-ce que ces anecdotes sur le ver de Milan, sur les poissons de Bulances Regii, sinon des détails d'histoire naturelle et de physiologie qui, sans éclairer la psychologie d'un jour bien vif, montre quelle idée Augustin avait de sa méthode et des conditions à remplir pour la constituer. Aujourd'hui même, au milieu de la prédominance excessive de l'observation intérieure, l'auteur du traité des facultés de l'âme et celui de la physiologie de la pensée font une part considérable, bien qu'inégale, à l'observation sociale et à l'observation physiologique. Et nous aimons à citer à l'appui de notre opinion des penseurs aussi autorisés. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.